Chapitre 5. La famille Ford. 10 minutes après, James Starr et Harry sortaient enfin de la galerie principale. Le jeune mineur et son compagnon étaient arrivés au fond d'une clairière, si toutefois ce mot peut servir à désigner une vaste et obscure excavation. Cette excavation, cependant, n'était pas absolument dépourvue de jour. Quelques rayons lui arrivaient par l'orifice d'un puits abandonné qui avait été foncé dans les étages supérieurs. C'était par ce conduit que s'établissait le courant d'aération de la fosse d'Auchard. Grâce à sa moindre densité, l'air chaud de l'intérieur était entraîné vers le puits Yarrow. Donc, un peu d'air et de clarté pénétraient à la fois à travers l'épaisse voûte de schiste jusqu'à la clairière. C'était là que Simon Ford habitait depuis 10 ans, avec sa famille, une souterraine demeure, évidée dans le massif schisteux, à l'endroit même où fonctionnaient autrefois les puissantes machines destinées à opérer la traction mécanique de la fosse d'Auchard. Telle était l'habitation à laquelle il donnait volontiers le nom de cottage, où résidait le vieil Overman. Grâce à une certaine aisance, due à une longue existence de travail, Simon Ford aurait pu vivre en plein soleil, au milieu des arbres, dans n'importe quelle ville du royaume. Mais les siens et lui avaient préféré ne pas quitter la houillère où ils étaient heureux, ayant mêmes idées et mêmes goûts. Oui, il leur plaisait ce cottage, enfoui à 1500 pieds au-dessous du sol écossais. Entre autres avantages, il n'y avait pas à craindre que les agents du fisc, les Stent Matters, chargés d'établir la capitation, vinssent jamais y relancer ses hôtes. À cette époque, Simon Ford, l'ancien overman de la fosse d'Auchard, portait vigoureusement encore ses 65 ans. Grand, robuste, bien taillé, il eût été regardé comme l'un des plus remarquables Sauneys du canton, qui fournissait tant de beaux hommes au régiment de Highlanders. Simon Ford descendait d'une ancienne famille de mineurs, et sa généalogie remontait au premier temps où furent exploités les gisements carbonifères en Écosse. Sans rechercher archéologiquement si les Grecs et les Romains ont fait usage de la houille, si les Chinois utilisaient les mines de charbon bien avant l'ère chrétienne, sans discuter si, réellement, le combustible minéral doit son nom au maréchal ferrant Houillos, qui vivait en Belgique dans le XIIe siècle, on peut affirmer que les bassins de la Grande-Bretagne furent les premiers dont l'exploitation fut mise en cours régulier. Au XIe siècle déjà, Guillaume le Conquérant partageait entre ses compagnons d'armes les produits du bassin de Newcastle. Au XIIIe siècle, une licence d'exploitation du charbon marin était concédée par Henri III. Enfin, vers la fin du même siècle, il est fait mention des gisements de l'Écosse et du pays de Galles. Ce fut vers ce temps que les ancêtres de Simon Ford pénétrèrent dans les entrailles du sol calédonien pour n'en plus sortir, de père en fils. Ce n'étaient que de simples ouvriers. Ils travaillaient comme des forçats à l'extraction du précieux combustible. On croit même que les charbonniers mineurs, tout comme les sauniers de cette époque, étaient alors de véritables esclaves. En effet, au XVIIIe siècle, cette opinion était si bien établie en Écosse que pendant la guerre du prétendant, on put craindre que 20 000 mineurs de Newcastle ne se soulevassent pour reconquérir une liberté qu'ils ne croyaient pas avoir. Quoi qu'il en soit, Simon Ford était fier d'appartenir à cette grande famille des houilleurs écossais. Il avait travaillé de ses mains, là même où ses ancêtres avaient manié le pic, la pince, la rivelaine et la pioche. À 30 ans, il était overman de la fosse du Char, la plus importante des houillères d'Aberfoyle. Il aimait passionnément son métier. Pendant de longues années, il exerça ses fonctions avec zèle. Son seul chagrin était de voir la couche s'appauvrir et de prévoir l'heure très prochaine où le gisement serait épuisé. C'est alors qu'il s'était adonné à la recherche de nouveaux filons dans toutes les fosses d'Aberfoyle qui communiquaient souterrainement entre elles. Il avait eu le bonheur d'en découvrir quelques-uns pendant la dernière période d'exploitation. Son instinct de mineur le servait merveilleusement, et l'ingénieur James Starr l'appréciait fort. On eût dit qu'il devinait les gisements dans les entrailles de la houillère, comme un hydroscope devine les sources sous la couche du sol. Mais le moment arriva, on l'a dit, où la matière combustible manqua tout à fait à la houillère. Les sondages ne donnèrent plus aucun résultat. Il fut évident que le gîte carbonifère était entièrement épuisé. L'exploitation cessa. Les mineurs se retirèrent. Le croira-t-on ? Ce fut un désespoir pour le plus grand nombre. Tous ceux qui savent que l'homme, au fond, aime sa peine, ne s'en étonneront pas. Simon Ford, sans contredit, fut le plus atteint. Il était par excellence le type du mineur, dont l'existence est indissolument liée à celle de sa mine. Depuis sa naissance, il n'avait cessé de l'habiter, et lorsque les travaux furent abandonnés, il voulut y demeurer encore. Il resta donc. Harry, son fils, fut chargé du ravitaillement de l'habitation souterraine. Mais quant à lui, depuis 10 ans, il n'était pas remonté 10 fois la surface du sol. « Aller là-haut, à quoi bon ? » répétait-il. Et il ne quittait pas son noir domaine. Dans ce milieu parfaitement sain, d'ailleurs, soumis à une température toujours moyenne, le vieil Overman ne connaissait ni les chaleurs de l'été, ni le froid de l'hiver. Le sien se portait bien. Que pouvait-il désirer de plus ? Au fond, il était sérieusement attristé. Il regrettait l'animation, le mouvement, la vie d'autrefois, dans la fosse si laborieusement exploitée. Cependant, il était soutenu par une idée fixe. « Non, non, la houillère n'est pas épuisée, » répétait-il. Et celui-là se serait fait un mauvais parti qui aurait mis en doute devant Simon Ford qu'un jour l'ancienne Aberfoyle ressusciterait d'entre les morts. Il n'avait donc jamais abandonné l'espoir de découvrir quelques nouvelles couches qui rendraient à la mine sa splendeur passée. Oui, il aurait volontiers, s'il l'avait fallu, repris le pic du mineur, et ses vieux bras, solides encore, se seraient vigoureusement attaqués à la roche. Il allait donc à travers les obscures galeries, tantôt seul, tantôt avec son fils, observant, cherchant, pour rentrer chaque jour fatigué, mais non désespéré, au cottage. La digne compagne de Simon Ford, c'était Madge, grande et forte, la « good wife », la bonne femme, suivant l'expression écossaise. Pas plus que son mari, Madge n'eût voulu quitter la fosse d'Auchard. Elle partageait à cet égard toutes ses espérances et ses regrets. Elle l'encourageait, elle le poussait en avant, elle lui parlait avec une sorte de gravité qui réchauffait le cœur du vieil Overman. « Aberfoyle n'est qu'endormi, Simon, lui disait-elle. C'est toi qui as raison. Ce n'est qu'un repos, ce n'est pas la mort. » Madge savait aussi se passer du monde extérieur et concentrer le bonheur d'une existence à trois dans le sombre cottage. Ce fut là qu'arriva James Starr. L'ingénieur était bien attendu. Simon Ford, debout sur sa porte, du plus loin que la lampe d'Harry lui annonça l'arrivée de son ancien viewer, s'avança vers lui. « Soyez le bienvenu, monsieur James !» lui cria-t-il d'une voix qui résonnait sous la voûte du schiste. « Soyez le bienvenu au cottage du vieil Overman. Pour être enfoui à 1500 pieds sous terre, la maison de la famille Ford n'en est pas moins hospitalière. » « Comment allez-vous, brave Simon ? » demanda James Starr en serrant la main que lui tendait son hôte. « Très bien, monsieur Starr. Et comment serait-il autrement ici, à l'abri de toute intempérie de l'air ? Vos ladies qui vont respirer à New Haven ou à Portobello pendant l'été feraient mieux de passer quelques mois dans la houillère d'Aberfoyle. Elles ne risqueraient point d'y gagner quelques gros rhumes, comme dans les rues humides de la vieille capitale. Ce n'est pas moi qui vous contredirai, Simon, répondit James Starr, heureux de retrouver l'Overman tel qu'il était autrefois. Vraiment, je me demande pourquoi je ne change pas ma maison de la Cannon Gate pour quelques cottages voisins du vôtre. À votre service, monsieur Starr. Je connais un de vos anciens mineurs qui serait particulièrement enchanté de n'avoir entre vous et lui qu'un mur mitoyen. Et Madge, répondit l'ingénieur. La bonne femme se porte encore mieux que moi, si cela est possible, répondit Simon Ford. Et elle se fait une joie de vous voir à sa table. Je pense qu'elle se sera surpassée pour vous recevoir. Nous verrons cela, Simon, nous verrons cela, dit l'ingénieur, que l'annonce d'un bon déjeuner ne pouvait laisser indifférent après cette longue marche. « Vous avez faim, monsieur Starr ?»« Positivement faim. Le voyage m'a ouvert l'appétit. Je suis venu par un temps affreux. »« Ah, il pleut là-haut, » répondit Simon Ford d'un air de pitié très marqué. « Oui, Simon, et les eaux du Forth sont agitées aujourd'hui comme celles d'une mer. » « Eh bien, monsieur James, ici, il ne pleut jamais. Mais je n'ai pas à vous peindre des avantages que vous connaissez aussi bien que moi. Vous voilà arrivé au cottage. C'est le principal, et je vous le répète, soyez le bienvenu. » Simon Ford, suivi d'Harry, fit entrer dans l'habitation James Starr, qui se trouva au milieu d'une vaste salle, éclairée par plusieurs lampes, dont l'une était suspendue aux solives coloriées du plafond. La table, recouverte d'une nappe égayée de fraîches couleurs, n'attendait plus que les convives, auxquels quatre chaises, rembourrées de vieux cuir, étaient réservées. « Bonjour, Madge, » dit l'ingénieur. « Bonjour, monsieur James, » répondit la brave Écossaise, qui se leva pour recevoir son hôte. « Je vous revois avec plaisir, Madge. » « Et vous avez raison, monsieur James, car il est agréable de retrouver ceux pour lesquels on s'est toujours montré bon. » « La soupe attend, femme, » dit alors Simon Ford. « Et il ne faut pas la faire attendre non plus que monsieur James. Il a une faim de mineur, et il verra que notre garçon ne nous laisse manquer de rien au cottage. » « À propos, Harry, » ajouta le vieil Overman en se retournant vers son fils, « Jack Ryan est venu te voir. »« Je le sais, père, nous l'avons rencontré dans le puits Yarrow. » « C'est un bon et gai camarade, » dit Simon Ford. « Mais il semble se plaire là-haut. » Ça n'avait pas du vrai sang de mineur dans les veines. À table, monsieur James, et déjeunons copieusement, car il est possible que nous ne puissions souper que fort tard. Au moment où l'ingénieur et ses hôtes allaient prendre place. Un instant, Simon, dit James Starr. Voulez-vous que je mange de bon appétit? Ce sera nous faire tout l'honneur possible, monsieur James, répondit Simon Ford. Eh bien, il faut pour cela n'avoir aucune préoccupation. Or, j'ai deux questions à vous adresser. Allez, monsieur James. Votre lettre me parle d'une communication qui doit être de nature à m'intéresser. Elle est très intéressante, en effet. Pour vous et pour moi, monsieur James. Mais je désire ne vous la faire qu'après le repas et sur les lieux mêmes. Sans cela, vous ne voudriez pas me croire. Simon, reprit l'ingénieur, regardez-moi bien, là, dans les yeux. Une communication intéressante? Oui, bon. Je ne vous en demande pas davantage, ajouta-t-il, comme s'il eût lu la réponse qu'il espérait dans le regard du vieil Overman. Et la deuxième question? Demanda celui-ci. Savez-vous, Simon, quelle est la personne qui a pu m'écrire ceci? Répondit l'ingénieur en présentant la lettre anonyme qu'il avait reçue. Simon Ford prit la lettre et il la lut très attentivement, puis la montrant à son fils. « Connais-tu cette écriture ? » dit-il. « Non, père, » répondit Harry. « Et cette lettre était timbrée du bureau de poste d'Aberfoyle ? » demanda Simon Ford à l'ingénieur. « Oui, comme la vôtre, » répondit James Starr. « Que penses-tu de cela, Harry ? » dit Simon Ford, dont le front s'assombrit un instant. « Je pense, père, » répondit Harry, « que quelqu'un a eu un intérêt quelconque à empêcher monsieur James Starr de venir au rendez-vous que vous lui aviez donné. » « Mais qui ? » s'écria le vieux mineur. « Qui a donc pu pénétrer assez avant dans le secret de ma pensée ?» Et Simon Ford, pensif, tomba dans une rêverie dont la voix de Madge le tira bientôt. « Asseyons-nous, monsieur Starr, » dit-elle, « la soupe va refroidir. Pour le moment, ne songeons plus à cette lettre. » Et sur l'invitation de la vieille femme, chacun prit place à la table, James Starr vis-à-vis de Madge pour lui faire honneur, le père et le fils l'un vis-à-vis de l'autre. Ce fut un bon repas écossais. Et d'abord, on mangea d'un hodgepodge, soupe dont la viande nageait au milieu d'un excellent bouillon. Au dire du vieux Simon, sa compagne ne connaissait pas de rival dans l'art de préparer le hodgepodge. Il en était de même, d'ailleurs, du cookie leaky, sorte de ragoût de coq accommodé aux poireaux, qui ne méritait que des éloges. Le tout fut arrosé d'une excellente aleue, puisé au meilleur brassin des fabriques d'Édimbourg. mais le plat principal consistait en un haggis, pudding national, fait de viande et de farine d'orge. Ce mets remarquable, qui inspira au poète Burns l'une de ses meilleures odes, eut le sort réservé aux belles choses de ce monde. Il passa comme un rêve. Madge reçut les sincères compliments de son hôte. Le déjeuner se termina par un dessert, composé de fromage et de cake, gâteau d'avoine finement préparé, accompagné de quelques petits verres d'Uskeborg, excellente eau-de-vie de grain, qui avait 25 ans, juste l'âge d'Harry. Ce repas dura une bonne heure. James Starr et Simon Ford n'avaient pas seulement bien mangé, ils avaient aussi bien causé, principalement du passé de la vieille houillère d'Aberfoyle. Harry, lui, était plutôt resté silencieux. Deux fois, il avait quitté la table et même la maison. Il était évident qu'il éprouvait quelque inquiétude depuis l'incident de la pierre, et il voulait observer les alentours du cottage. La lettre anonyme n'était pas faite non plus pour le rassurer. Ce fut pendant une de ces sorties que l'ingénieur dit à Simon Ford et Madge. « Le brave garçon que vous avez là, mes amis !»« Oui, monsieur James, un être bon et dévoué, » répondit vivement le vieil Overman. « Il se plaît avec vous au cottage ? Il ne voudrait pas nous quitter. Vous songerez à le marier, cependant. » « Marier Harry ?» s'écria Simon Ford. « Et à qui ? À une fille de là-haut qui aimerait les fêtes, la danse, qui préférerait son clan à notre houillère ? Harry n'en voudrait pas. « Simon, » répondit Madge, « tu n'exigeras pourtant pas que jamais notre Harry ne prenne femme. » « Je n'exigerai rien, » répondit le vieux mineur. « Mais cela ne presse pas. Qui sait si nous ne lui trouverons point ?» Henri rentrait à ce moment et Simon Ford se tut. Lorsque Madge se leva de table, tous l'imitèrent et vinrent s'asseoir un instant à la porte du cottage. « Eh bien, Simon, » dit l'ingénieur, « je vous écoute. »« Monsieur James, » répondit Simon Ford, « je n'ai pas besoin de vos oreilles, mais de vos jambes. Vous êtes-vous bien reposé ?»« Bien reposé et bien refait, Simon. Je suis prêt à vous accompagner partout où il vous plaira. » « Harry, » dit Simon Ford en se tournant vers son fils, « allume nos lampes de sûreté. »« Vous prenez les lampes de sûreté ?» s'écria James assez surpris, puisque les explosions de grisou n'étaient plus à craindre dans une fosse absolument vide de charbon. « Oui, monsieur James, par prudence. » « N'allez-vous pas aussi, mon brave Simon, me proposer de revêtir un habit de mineur ?»« Pas encore, monsieur James, pas encore, » répondit le vieil Overman, dont les yeux brillaient singulièrement sous leurs profondes orbites. Harry, qui était rentré dans le cottage, en ressortit presque aussitôt, rapportant 3 lampes de sûreté. Harry remit une de ses lampes à l'ingénieur, l'autre à son père, et il garda la 3e, suspendue à sa main gauche, pendant que sa main droite s'armait d'un long bâton. « En route !» dit Simon Ford, qui prit un pic solide déposé à la porte du cottage. « En route !» dit l'ingénieur. « Au revoir, Madge !»« Je vous assiste !» répondit l'Écossaise. « Un bon souper, femme, tu entends ?» s'écria Simon Ford. « Nous aurons faim à notre retour, et nous lui ferons honneur. »